20-36. Activation orale, passé composé et pronom. Répondez selon les exemples. Vous entendez... 1. Vous avez choisi vos cours? Vous répondez... Oui, je les ai choisis. Et vous entendez... 2. Vos enfants ont fait des maths? Vous répondez... Oui, ils en ont fait. Bien, vous entendez... 3. Il a parlé à Mireille? Et vous répondez... Oui, il lui a parlé. À vous maintenant. 4. Vous avez choisi vos cours, vous deux? Oui, nous les avons choisis. 5. Tu as fini tes devoirs? Oui, je les ai finis. 6. Mireille a eu son bac? Oui, elle l'a eu. 7. Elle a raté son interro de maths? Oui, elle l'a raté. 9. Ils sont allés en France? Oui, ils y sont allés. 10. Est-ce que vous avez entendu parler de Saint-Tropez? Oui, nous en avons entendu parler. 11. Vous y êtes allé? Non, je n'y suis pas allé. 12. Tu as bu ton kir? Oui, je l'ai bu. 13. Vous avez parlé aux parents de Mireille? Oui, je leur ai parlé.